Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant de... On va revenir sur les propos de Marcel Maltais qui ont été tenus mardi sur les ondes de danadosport.com. Rappelons que Marcel Maltais mettait directement la faute sur le hockey mineur de Dolbeau-Mississinie dû au fait que les castors de Dolbeau prennent une pause cette année. Hier, sur les ondes de danadosport.com, le président du hockey mineur de Dolbeau, Danny Lavoie, a décidé de rectifier les faits et il a mentionné que tout avait été fait, autant du côté du hockey mineur que du hockey Saint-Lac-Saint-Jean, pour que les castors soient dans la Ligue cette année. On va écouter là-dessus le président du hockey mineur de Dolbeau-Mississinie, Danny Lavoie. Dans la situation ici, dans le milieu. Par contre, ce que je peux dire, c'est que... Pour nous, on sait très bien qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour mettre en place une équipe. Puis à partir de maintenant, là, ce dossier-là étant réglé, là, nous, on va de l'avant. Les gens ont droit à leurs opinions là, sur ce qui s'est passé, ont droit d'émettre toutes sortes de commentaires, mais nous, on connaît bien la situation. On sait ce qu'on a fait, on sait jusqu'à quel point on a eu la collaboration du hockey mineur de Saint-Félicien. On sait aussi qu'on a eu l'appui de la Ligue, plutôt de la Ligue, mais de hockey Saglac dans ce dossier-là. On n'a absolument rien à se reprocher. Là. Je veux pas mettre de l'huile sur le feu, là, mais pour nous, là, c'est un dossier qui est... On sait que dans les commentaires de Marcel Maltais, ce qui reprochait aussi davantage, c'est que le hockey mineur s'est mis à la recherche seulement d'entraîneurs et de membres du conseil d'administration, seulement qu'au mois d'août. Des allégations que refute Danny Lavoie. Ben, il ne nous a pas avisé personnellement de se mettre à la recherche d'un entraîneur. Mais ce qu'on fait tout le temps, c'est qu'on fait notre appel à candidature et on approche nos candidats. On n'a pas besoin d'attendre que la ligne nous dise de le faire. Là. Puis on ne s'est pas réveillé à l'automne pour trouver un entraîneur. Ces processus-là sont mis bien de l'avant, bien avant ça. Puis on savait qu'on allait avoir une problématique à ce niveau-là. C'est ce qui est arrivé. On a également parlé hier au président du club de golf de Dolbeau-Mississinie, Raymond Lavoie. Raymond Lavoie qui est à sa première année comme président du club de golf de Dolbeau-Mississinie. Il a quand même trouvé l'expérience un petit peu difficile, mais il m'a mentionné que de dorénavant, il sait comment ça fonctionne un club de golf. Facile en cette première année comme président. Okay. Par contre, si je regarde en arrière, aujourd'hui, je suis plus en mesure de comprendre le fonctionnement de tout ce qui se passe dans un club de golf. Lorsque je suis arrivé là, je ne connaissais rien du fonctionnement, ou à peu près pas. C'est que, comme on dit, on a appris sur le tas et présenté. Raymond Lavoie mentionne qu'il est trop tôt pour savoir si, comment le club va s'en tirer cette année. Ben, présentement, là, je ne peux pas rien dévoiler, sauf que ce que je peux dire, c'est que nous sommes dans le budget présentement et ça va bien de ce côté-là. On ne devrait pas faire un gros surplus. Par contre, ça va bien. On a un budget très équilibré. Et à venir jusqu'à date, tout le monde a respecté les budgets qu'on leur avait donnés dans chaque département et ça va quand même bien. OK. Du côté, et évidemment, comme tous les autres clubs, ben le mauvais temps a nuit beaucoup au club de golf de l'endroit. Dû au fait qu'on a commencé deux semaines plus tard nos activités, et au nombre de jours perdus, je pense qu'on a une dizaine de journées de perdus à cause du mauvais temps. C'est tout les permis journaliers sont à la baisse un peu cette année. Je pense pas qu'on arrive au même résultat que l'an passé. Même si l'an passé, l'été était très mauvais aussi, les résultats étaient quand même pas pires. Mais cette année, c'est sûr qu'on est en bas de nos prévisions là-dessus. Puisqu'il y a une question de golf, ben il y avait le tournoi Interclub qui se déroulait en fin de semaine. Ça se déroulait à Chicoutimi. En classant, c'est le club de golf de Chicoutimi qui a remporté la victoire avec un pointage de 45. Le club de golf de Saint-Prime a terminé en deuxième place avec 35. En classe B, c'est Dolbeau-Mississinie qui a terminé en deuxième place et Chicoutimi a terminé au troisième rang. Et il y a la Coupe Ryder, qui est une formule qui existe depuis quelques années entre le club de Dolbeau et le club de Saint-Prime, qui a été disputée samedi, plutôt dimanche, au club de golf de Dolbeau-Mississinie. Et c'est le club de golf de Saint-Prime qui a remporté la victoire. Belle nouvelle pour Victor Véraud de Saint-Félicien, le cycliste qui a reçu une très, très belle bourse d'études d'une valeur de 2 000 $. Il a reçu ça du Fondation Hydro-Québec, la Fondation d'athlètes d'excellence du Québec. Maintenant, on va parler de patinage de vitesse sur courte piste. En fin de semaine, c'est les qualifications canadiennes. Et c'est la première épreuve de l'année. On va surveiller évidemment qu'est-ce que Marianne Saint-Gelin et Cassandra Bradette de Saint-Félicien vont faire pour cette compétition. Et le club de curling de Saint-Félicien désire avertir ses membres que les glaces vont être prêtes à partir de samedi. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Beaucoup d'actualités hier. Frédéric Degg de la presse canadienne revient sur l'actualité dans les derniers jours chez le Canadien, entre autres, les Alouettes, l'Impact et du retour des Expos. On a également parlé avec Stéphane Lebeau, on parle de la Coupe du monde de hockey. Raymond Lavoie du club de golf de Debeau vient nous parler du bilan au club de golf. Et vous pouvez également écouter Michael Gaudreau, des ambassadeurs de Chibougamau. Le sport local régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.